L'expression qui permet de dire « excusez-moi » en chinois est 请问 Véhouge de la victoire. 问 Doigt noir pointé vers le sol. 请问 signifie « s'il vous plaît ». Et donc ce qui suit dans notre exemple 问 signifie « demander ». Ce qui donne littéralement « s'il vous plaît, demandez », c'est-à-dire « puis-je vous demander ?»« Puis-je vous demander si ?» Puis, vous enchaînez avec votre question. « Puis-je vous demander où est le livre ?»« Puis-je vous demander où est la cité interdite ?»« Puis-je vous demander quel est le chemin pour l'hôtel ?» etc. Donc, « puis-je vous demander ?»« 请问 » Donc, c'est un « V rouge de la victoire ». Puis un doigt noir pointé vers le sol. Alors, comment dites-vous « excusez-moi » ou « puis-je vous demander ?» 请问 Pour vous souvenir de ce mot, voici une petite phrase. « Excusez-moi, puis-je vous demander ?» Que signifie « 请问 » Maintenant, traduisez s'il vous plaît. « Excusez-moi, où est le livre ?» 请问书是在哪儿? Bien. Quel est le mot pour se trouver à? Ah oui, en fait, j'ai pas besoin ici du verbe être. Il faudrait que j'utilise 在, se trouver à. Et comment dites-vous, excusez-moi, où est le livre? Donc, livre se trouve où? 书在哪儿? Comment dites-vous « excusez-moi » ? 请生 Non, c'est pas bien. 请问书在哪儿? 请问 Excusez-moi, où est le livre ? 请问书在哪儿? Excusez-moi. Où est le livre de chinois? 请问 Livre en langue chinoise 中文书在哪儿? Comment dites-vous excusez-moi? 请问 Oui, 请问 Donc ça signifie « puis-je vous demander, s'il vous plaît, demander langue chinoise livre se trouve où ?» Parfois, on peut entendre les Chinois qui apprennent le français faire du copier-coller à l'oral, hein, comme une sorte de traduction littérale du chinois en français. Et peut-être que vous entendrez un jour « s'il vous plaît, demander livre chinois être où ?» pour dire en fait « excusez-moi, où est le livre de chinois ?» 请问中文书在哪儿? Excuse-moi, où est ta maison? 请问你的家在哪儿? Excuse-moi, où est ta maison? 请问你的家在哪儿? Excusez-moi, qui est-il? 请问, ta, shi, shi? Excusez-moi, qui est-il? 请问, ta, shi, shi? Excusez-moi, où sont les toilettes? 请问, je me souviens de soi. C'est ça. Mais j'arrive pas à me rappeler si se place avant ou après. Il se place avant. Se so. Ce. Ce so. Ce so. Qin wen. Ce so. Zai na. Excusez-moi, où sont les toilettes ? 请问厕所在哪儿？ Et vous répondez, ne pas avoir, il n'y en a pas. 没有。 Et vous voilà en train de crier. Aïe aïe. Qui veut dire, aïe aïe aïe, oh mon Dieu. Donc, à la question, excusez-moi, où sont les toilettes ? On vous répond qu'il n'y a pas de toilettes ici. Et là, vous vous écriez, oh mon Dieu, parce que vous avez mal au ventre tellement vous êtes pressé. Aïe aïe aïe. 没有。哎呀。 哎呀veut en fait dire, vous voulez rire. On utilise aïe quand on est choqué. Dans ce contexte-là, aïe veut dire, oh, c'est trop affreux. D'accord. Donc, pour exprimer que c'est trop affreux ou épouvantable, en chinois, vous diriez... Aïe. Donc, c'est un mot qui pourra vous être utile de temps à autre quand vous voyagerez en Asie. Dites maintenant, excusez-moi, ta petite amie a-t-elle un livre ? Sans insister sur le 1. Qing wen ni de nu peng you you shu ma. Comment dites-vous excuse-moi? Qing qing wen qing wen qing wen qing wen qing wen. Vous voulez lui demander « wen ». Excuse-moi, ta petite amie a-t-elle un livre ? Qing wen, ni de nu peng you, you shu ma ? Tu peux lui demander. Littéralement, tu pouvoir demander elle. Ni, non, wen, ta. Comment dites-vous pouvoir? Non. Non. Non. Oui. Non. Tu peux lui demander? Ni. Non. Wen. Ta. Tu peux lui demander? Ni. Non. Wen. Ta. Je ne veux pas lui demander. Wo. Bu. Neng. Je ne veux pas lui demander. 我不要问他。 Je ne veux pas lui demander. 我不要问他。